Les joueurs coréens ont regagné la patrie par train le 27 au terme de la compétition internationale pour la Coupe de la Fédération internationale du handball Asie-Est et Asie-Sud-Est. Les matchs se sont déroulés en Hong Kong, Chine, depuis le 20 jusqu'au 24 juillet. Les joueuses et joueurs coréens y ont respectivement décroché les médailles d'or. Choi Bong-im et Lee Kyung-sung ont reçu le prix de meilleur joueur.